Mais un coup terrible, lourd, a retenti à la porte et, comme dans les rêves infernaux, il m'a semblé que je recevais un coup de pioche dans l'estomac. Et puis, un spectre est entré. C'est un huissier qui vient me torturer au nom de la loi. Une infâme concubine qui vient crier misère et ajouter les trivialités de sa vie aux douleurs de la mienne. Ou bien le saute-ruisseau d'un directeur de journal qui réclame la suite du manuscrit. La chambre paradisiaque, l'idole, la souveraine des rêves, la sylphide, comme disait le grand René, toute cette magie a disparu au coup brutal frappé par le spectre. Horreur. Je me souviens. Oui, ce taudis, ce séjour de l'éternel ennui est bien le mien. Voici les meubles sots, poudreux, écornés, la cheminée sans flamme et sans braise, souillée de crachats, les tristes fenêtres où la pluie a tracé des sillons dans la poussière, les manuscrits, raturés ou incomplets, l'almanach où le crayon a marqué les dates sinistres, et ce parfum d'un autre monde, dont je m'enivrais avec une sensibilité perfectionnée, hélas, il est remplacé par une fétide odeur de tabac mêlée à je ne sais quelle nauséabonde moisissure. On respire ici maintenant le ranci de la désolation. Dans ce monde étroit, mais si plein de dégoût, un seul objet connu me sourit, la fiole de laudanum, une vieille et terrible amie. Comme toutes les amies, hélas, féconde en caresses, et en traîtrise. Oh oui, le temps a reparu. Le temps règne en souverain maintenant. Et avec l'œil de vieillard est revenu tout son démoniaque cortège de souvenirs, de regrets, de spasmes, de peurs, d'angoisses, de cauchemars, de colères et de névroses. Je vous assure que les secondes maintenant sont fortement et solennellement accentuées, et chacune, en jaillissant de la pendule, dit: je suis la vie, l'insupportable, l'implacable vie. Il n'y a qu'une seconde dans la vie humaine qui ait mission d'annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle qui cause à chacun une inexplicable peur. Oui, le temps règne. Il a repris sa brutale dictature et il me pousse comme si j'étais un bœuf avec son double aiguillon. Hé, eus donc, bourrique, sus donc, esclave, vis donc, damné.